Non, mais 1900, comment ça tu veux te remémorer autant d'années? Non, mais c'est parce que, premièrement, j'ai une boule d'émotion. Ah! Comme toutes les boules, c'est émotif. Ben non. Non. Sur mon plancher à gauche, là, à côté de Mme Thibodeau, puis du Grand Rempré, le Grand Rempré veut pas bouger d'une semelle. Ben non, c'est un géant. Oui, un géant et un grand. Ben quand t'es géant, t'es grand. Oui, c'est vrai. Mais lui, c'est pas au niveau intellectuel, lui. Lui, c'est au niveau de sa longitude. Oh mon Dieu! Il a le Greenwich, évidemment, bien branché. Évidemment bien branché. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, bien issu du bas vers le haut. Oh, OK. Sa verticalité. Oui, monsieur. Sa verticalité n'a d'augure que son étrange horizontalité. Oh! On peut pas croiser les deux. Ben, assis, c'est... Oh, ouais, assis, oui, vous avez raison. Assis, ça donne l'angle presque parfait. Oui, mais si vous lui mettez les pieds devant... Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on a les pieds devant, normalement, on s'en va sur une civière. Oui, mais ça, c'est quand on dit je m'en suis pâlé les pieds blancs. Oh, je me suis pâlé les pieds blancs. Oui, mais je m'en pâle rarement. Quoi, mais il faut s'en parler, je sais. Il faut toujours s'en parler, surtout vers la fin. Là, c'est le temps de dire « Oh, je m'excuse, je n'ai pas été, j'aurais dû, puis pourquoi ne pas avoir, si avoir été, j'avais pu. » N'avoir pas eu, sans doute que tu ne serais pas. Puis, ah, bon, doux seigneur de girouette de tabac. Mais 3 juin, oui, oui, je sais, c'est le lendemain de son anniversaire. Pas de l'erreur rénaldien. Ah oui. Mon doux, il est encore cloué au bar. Il est pas juste cloué au bar. Il est cloué. Tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé hier? À peine. Si tu veux me le remémorer. Je te le remémore maintenant. Ouvre tes grandes oreilles, mon petit âne. Alors donc, si je m'en souviens, si je me souviens bien, mon zéro pointé vers l'infini, il était là. Oui, heureusement qu'il était là. C'était lui l'invité. Oui, il était là, heureux comme un pan. Oh oui, parce que tout le monde disait, hey, t'es merveilleux, t'es formidable. On voyait sa queue qui commençait, hein, comme le pan, là, les plumes, toutes les couleurs, là. Ouais, mais lui, il avait plutôt la queue sans plume. Oh oui, mais lui, la plume, il se l'avait. Oui, c'est vrai. Pour l'occasion, on lui avait demandé non pas de l'avoir à la main, la plume, hein, histoire de signer des autographes ou des textes poétiques, car on sait c'est un grand poète. Hé, hey, de qui tu parles, toi, là? Tu parles pas du général Boisvert? Ah non, général Boisvert, lui, il a écrit sa biographie, là, mais mort, lorsqu'il était hors de cette stratosphère que l'on appelle la Terre. Moi, je sais pas si la Terre, c'est une stratosphère. Je suis pas au courant de ça. Moi, j'ai aucun lien scientifique. Tu sais que moi, je fonctionne à la création. Je fonctionne à l'humanité tout entière. Ben, donc le pire misanthrope, c'est bien toi. T'as à peu près raison. T'as à peu près raison pour avoir trop compris le genre humain. Quand tu le saisis, là, un peu comme ta viande, là, c'est bon, c'est ferme, puis tu veux y revenir, mais sans les voir, là. Ah, mon Dieu, sans voir qui, ton steak? Ah non, moi, mon steak, là, n'importe quand. Je le veux saignant, avec frites, sans frites, avec riz, sans riz, ou tout à fait avec des petits cornichons sucrés. Oh, ça, c'est bon, les cornichons sucrés. Oui, mais coupés, là, pas les mini-cornichons, là. Ah, ouais, oui, parce que ça te rappelle... Oh, oui, ça me rappelle autant de clientèle. Pas mal de cornichons là-dedans. Oui, mais sûr. Oh, sûr. Sur l'anonymat et sur bien des substances hallucinogènes que je ne peux... Même pas hallucinogènes. Sur des substances non comprises et surtout non homologuées. Oh, Jean-Jacques Goldman. Ah oui, non homologué. L'album de Jean-Jacques. Quelle culture! Tu te souviens de ça, oui. Elle avait mis du pain sur son paillasson pour attirer les moineaux, les pigeons. Et avec ça, les pigeons s'en allaient. Il vit sa vie par procuration devant son poste de télé, vicon. Plus c'est con, plus c'est la télé, hein? La radio, heureusement que c'est des ouvertures vers des j'allais dire encore la même chose, des horizons, des cueillettes, hein, des petites cueillettes imaginaires que l'on peut saisir ici et là à travers tout ce jardin des plus exceptionnels qui nous est offert à chaque jour de notre existence. La télé tue ça. Godard disait que la télé créait l'ennui et que la télé téléportait l'imaginaire dans un gouffre qui nous semblait tranquillement ressembler, qui nous semblait ressembler. Je pense que t'es... Oui, c'est parce que hier... Oui, vas-y, dis-le, hier. Hier, on avait amené les... Oui, pour son anniversaire. Quel âge il a eu, lui? Oh, mon Dieu. On sait, mais je crois, 28 ans. Non, 32 ans minimum. Oh, mon Dieu. 32 ans, il s'en rappelle plus. L'adage du Québec, c'est « je me souviens ». Ouais, lui se souvient qu'il veut plus s'en souvenir. Oh, comme beaucoup de Québécois! C'est pour ça que c'est devenu notre adage. « Je me souviens » parce qu'on n'a plus d'idée de ce qu'on était. C'est pour ça qu'on fait toujours les mêmes gaffes. On s'en rappelle plus, on recommence. On s'en rappelle plus, on recommence. Hey, on a élu un dauphin, on va réélire un dauphin. On a mis un crotté, on va réélire un crotté. On aime ça, nous autres, les crottés au Québec. Ça nous rappelle notre passé de colonisé. Plus t'es colonisé, plus être heureux, c'est être colonisé. Il y a rien de plus insouciant qu'un colonisé. Et là, pour revenir à cet anniversaire-là, on lui a dit, hey, à ton émission demain, on va te faire plaisir. Là, il a dit, hein? Parce que ça, c'était son intelligence qui parlait, là. Hein? On disait, Renard, il dit, hein? Renard, ouais? Ça, c'est normalement, là, quand on est dans une bonne fête, là, bien parti, là, hein, depuis 3-4 heures, là, puis là, on s'accoude, puis on a du plaisir, là, puis lui, il est là, puis il dit rien, puis il nous regarde comme si il nous analysait. On sent le regard là, qui pique toutes les lèvres, il regarde les oreilles, la bouche, la manière de s'exprimer, de faire les gestes. Il est sous observation, mais il est le regard. Le Big Brother, c'est lui. Mais la seule phrase, le seul mot qu'il nous a dit, c'est celui. C'est ce que je vais vous dire. Là. C'est ce que je vais tenter de recréer à cet instant précis. C'est j'aimerais ça entendre cette chanson-là, mon anniversaire. Ben là, c'est aujourd'hui, là, mais le 3, là, ben oui. Pas à mon anniversaire, à mon émission. Ben oui, mais on sait que toutes tes émissions, c'était tes anniversaires, donc on te l'offre pour toi, errant rénaldien. Bonne fête en retard. Dis, petite salope, raconte-moi comment c'était entre ses bras. Était-ce mieux qu'avec c'est moi. Était-ce mieux qu'avec moi? petite garce, si tu m'as dit vrai, je te pardonnerai. Je te jure, jamais. Honteuse. Merci beaucoup, merci Public en délire, merci, merci, oui, c'était hier. Il est encore, il avait 20 ans, les cheveux étaient blancs, et les voilà noircis, peut-être le charbon, ou quel bon enfant s'était attardé à le développer comme un jeune, mais le pauvre vieillard voulait passer, sans jamais trépasser, et ce soir le voilà, bien camouflé derrière ce micro qui lui sert de cerveau. Et oh! Oh! Cerveau-micro! Coco! Coco! Arrête, on a déjà sorti un coco, on peut en sortir deux. OK! Le Je me souviens pas toi, mon cher. Alors donc, le philosophe Blaise Pascal me posa cette question cette semaine après une nuit étrange comme on en vit régulièrement à Limoilou. Dans cet épicentre, plus il y a les épicentres, plus il y a les épaisses. Les épaisses sont toutes dans les épicentres. Et puis, centre. Centre ton cerveau, centre ta réflexion là-dessus. Dans l'épicentre, dans la centralité de l'existence, dans le trou de pète. Oh, le trou de pète, le trou de balle qui est Limoilou. Alors, on tentacule le texte. Là, je fais cette émission-là, je vais vous dire, premièrement, là, cette semaine, j'ai très mal dormi. Actuellement, là, j'ai peut-être à mon actif depuis 5 jours, là, 20 heures de sommeil. Deux choses l'une. Soit que ça fait une émission exceptionnelle ou ça fait une émission à placer dans les corbeilles, dans la corbeille. Ah non, mais on ne pourra jamais placer ça là-dedans, premièrement. Arrête de dire les premièrement. Le public ne veut plus rien savoir. Les courriels que je reçois. On me dit, ah, tu fais dans la répète. Pardon? Tu fais dans la répète. Moi, je fais dans la répète. Tu fais dans la répète. Moi, je fais dans la répète. Tu fais dans la répète. Mais voyons donc. Je répète quoi? Je dis bonjour, merci, bonsoir, à la prochaine. Oh oui, mais tu répètes. Je répète mon courriel, renalquebec@commercial.com. Oui, mais tu répètes ton numéro de cellulaire. Hein? J'ai jamais répété mon numéro de cellulaire à personne. Vous êtes qui, vous? Je suis la conscience populaire. Oh monsieur, la conscience populaire, on la connaît celle-là. On la connaît, puis on l'a connue, puis on veut plus rien savoir d'elle. La conscience populaire. Moi, j'oserais dire la conscience impopulaire. Comment ça? Ben, elle n'a pas de conscience, la population. Comment ça? Hey. Population, là, t'en mets 2-3 dans l'engrenage, tout le monde va suivre. C'est très facile. C'est comme la saucisse. Il en sort 2, il va en sortir 15 000, là, hein, puis ils savent pas pourquoi, mais ça sort. Alors, le philosophe Blaise Pascal me poussa cette question cette semaine après une nuit étrange comme on en vit régulièrement à Limoilou, dans l'épicentre de la dégénération humaine. Alors là, je cite Blaise Pascal parce qu'il m'arrive souvent de discuter avec lui. Hey, en personne, il est pas mort, lui. Il est mort. Il est très mort. Ah, règle générale, là, quand t'es mort, là, t'es très mort. Ah, toi, t'es-tu mort? Non, je suis très vivant. Bon, ben, c'est positif. Oui. Mais Blaise Pascal, et je vais la balancer, sa phrase, il m'a dit, en me présentant un produit parce qu'il voulait acheter un lait frappé à la vanille, il me dit, la voix de Blaise Pascal, est-ce qu'on peut avoir le... Non, c'était pas comme ça, c'était étrange, là. Comme une réverbération, mais venue d'outre-tombe. Ben là, attendez, l'outre-tombe, c'est comme ça. Est-ce que ça... Non, c'est pas ça, l'outre-tombe. Ah, c'est comme... Oui. Donc, M. Blaise Pascal est ici, là, puis il me présente son lait frappé à la vanille. Et d'un air hébété, un peu comme tous les philosophes de cette époque, il me dit « Hey, monsieur, est-ce que ça goûte le vomi? » Blaise? Oui. Hey, monsieur, parce que ça coûte assez cher, ça, hein? Est-ce que ça goûte le vomi? J'ai jamais goûté à ce genre de produit. Non, mais si tu n'y as pas goûté, là, est-ce que ça goûte le vomi? Ben, est-ce que je peux le savoir? J'ai jamais goûté, Blaise. Voyons donc. Que vous déblaise en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. Ouais, mais est-ce que ça goûte le vomi? Hey! Veux-tu goûter? Veux-tu goûter directement du vomi? Ben là, si ça en est, j'en ajouterai pas. Mais je... hey, monsieur, c'était. Qu'est-ce que. C'est pas monsieur, c'est Blaise Pascal. Ben oui, tu t'appelles Blaise Pascal. Je m'appelle Blaise Pascal. Il me semble que tu viens de sortir d'une maison de repos. Mais je suis trop reposé. Ben c'est ça. Si tu réfléchis de même, là, c'est une réflexion de chaudron. Hey, monsieur! Oui! Ce lait fouetté au à la vanille? Oui, t'allais dire aux fraises. Oui, mais c'est parce que c'est écrit vanille. Quand je vois vanille, je veux dire fraise. Eh, hey, monsieur. Vous êtes grèvement atteint? Très atteint. Hey, est-ce que ça goûte? Je sais pas si ça goûte. J'espère que ça goûte. Tu vas pas acheter un produit qui goûte pas? Ben, je veux pas que ça goûte ça, moi, là. Qu'est-ce que tu veux pas que ça goûte? Ben, le vomi. Ben, ça goûtera pas le vomi si tu veux pas, là. Ah, tout part de la tête. Ben, non. Ben là, ça rentre dans ta bouche avant, là? Oui. Alors, de la bouche, tout va communiquer avec tes neurones. Tu communiques avec mes neurones. Ouais, mais toi, oublie ça, là, mon Blaise, là. T'as plus grand-chose là-dedans, là. Hey! Je suis un philosophe. Oui, je sais, oui. Arrête de me regarder de même, tu fais peur. Des grands yeux, là, on sait, es-tu hibou, philosophe? Hey, moi, je suis philosophe. Ah oui, on le sait, on le sait. Qu'est-ce que t'as fait, là, pour amener une autre idée de la philosophie? Quel a été ton leitmotiv? Mon leitmotiv? Monsieur? Oui. Oh, ça, je crois qu'on va passer à un petit... Oui, monsieur. Hey, c'est moi, là. Arrête de me dire ça. C'est moi, je suis monsieur. Petit garçon. Oui, monsieur, c'est moi aussi. Petit garçon. Est-ce que ça goûte le... Ça va goûter mon coup de poing sur la gueule. Hé, hey, je suis Blaise Pascal. Puis ça. Oh, puis ça. Pourquoi t'as arrêté ça comme ça? C'est parce que tu le mets sur une grondère, moi, là. Je suis plus capable d'endurer du monde comme toi, là. Va-t'en, va-t'en. Ouais, mais je suis Blaise Pascal. Hey, déblaise, mon Pascal, déblaise. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Là, je vais essayer de faire bientôt dans quelques mois, comme on l'a filmé, faire des DVD parce que j'en ai plus et je pourrais vous en remettre un. Et puis peut-être essayer de trouver le moyen de faire une petite tournée et d'aller venir au Québec avec mes deux musiciens. Surtout que j'ai des très belles chansons. Mon tour de chant est fait de chansons inédites. faites sur mesure pour moi par des auteurs de théâtre ou des auteurs de chansons comme Frédéric Botton, qui malheureusement nous a quittés il y a un an et demi, qui m'a écrit une très belle chanson. Nous on va terminer là-dessus. Je vous la chante un petit bout en tout cas. Les marins, c'est très tango, surtout quand il n'y a plus de bateau. Balance l'œil bleu, indigo, comme pour un slow. Vive ceux du Trocadéro, du musée Océano. Ah oui, ceux-là, c'est les plus beaux, c'est les plus chauds. Les mers, les océans, c'est mieux que la terre, et c'est plus grand. On doit s'y noyer, forcément, de temps en temps. Les mers, les océans, quand on se prend pour un goéland, quand on se prend pour un goéland, on voit la vie différemment. Quand on descend, pour ça, les marins, c'est très tango, etc. Mais vous pouvez aller sur mon site aussi, il y a 2-3 chansons qui sont dessus. Sur votre MySpace ? Non, dans mon site, j'ai un site perso, il faut faire Jean-Claude Dreyfus, si vous faites sur Google Jean-Claude Dreyfus, .com.net, ce que vous voulez, j'arrive en premier, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir, à regarder, à entendre, et plein de choses amusantes. Ben, alors, merci. Et plein de photos. Ah d'accord, oui, pour vous admirer. Voilà. Alors merci M. Dreyfus de votre passage à mon émission. Et on se retrouve à Québec pour votre tour de chant. À Québec bientôt. Oui. Et au printemps. Oh, ben, l'hiver au Québec, on s'en souvient longtemps. Il faut que j'y aille au printemps. Parce que Gilles Vigneault a écrit une chanson, Mon pays c'est l'hiver. Et il faudrait que vous en rendiez compte. Oui. Parce que c'est fantastique. Les moins 40 degrés. Là. J'ai connu ça. Ah, vous avez connu ça? J'ai connu le grand froid. Ben, j'aime bien connaître le printemps parce que tout le monde me disait là-bas. J'avais été tourné à, c'est pas le Québec, mais à Montréal. Oui. J'avais été tourné avec, comment il s'appelait je me souviens plus, ce réalisateur. Québécois? Oui, on avait fait un film, qui était un film de jeunes, j'étais le plus vieux, avec Mitsou. Ah oui, ben oui, elle a bien vieilli, sublimement. C'est vrai. 40 ans, 2 ans. Ben comme notre Vanessa Paradis, qui vieillit très bien aussi. Oui, mais Mitsou plus pulpeuse. Ah oui. Sublime. Je me souviens plus comment ça s'appelait le film. J'étais un professeur de photo. Ah oui. Voilà. Alors j'étais venu pendant. Et c'est un film québécois. C'était un film qui se fait à Montréal, en tout cas. Ah, ben, c'est le Coyote. Je me souviens plus. Oui. C'est le Coyote. Les formations sur Facebook. Alors merci M. Dreyfus. À bientôt. Et à la revoyure. Oui. Allez bien. Bye bye. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que. Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rôle. Est-ce qu'ils partent avec moi? On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout et que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. La musique, la musique, la musique. Et les amis, et rigoler. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'aventure, mais hey, avant de parler d'aventure, là, parce que je suis... Oui, merci, je me suis trompé de disque. Donc, je veux savoir si le prochain que je vais placer est le bon. Sinon, mais là, je vais vivre une angoisse intolérable et je risque de faire une crise de nerfs en direct. Alors, c'est maintenant que ça se passe. Attendez, après ça, on revient à l'émission. Parlez entre vous, là. Allez à l'extérieur, prenez un peu d'air, débarquez de votre véhicule ou fermez votre radio pendant quelques secondes. Tout, hein? Ah oui, c'est bon, hein? Est-ce que c'est bien ça? Attendez-moi. Ouais. On y va encore, hein? Pas certain, moi, là. Ouais. Comme un avion. Oui, OK, parfait. C'est excellent. Extraordinaire. J'ai eu peur. Avez-vous vu ma petite sueur sur le bord de la grève? Ma sueur sur le bord de la grève, c'est comme je me lève, c'est comme je me couche, c'est comme la rive en belle. Arrête de chanter, il n'y a pas de paroles dans tes chansons. Mes paroles, c'est comme le vol, ça plane ou ça s'échoue. Oh, c'est beau ça. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le mec, là, hein? S'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Puis j'ai un petit cadeau à vous faire. Une version que vous avez jamais ou rarement entendue. Un cadeau, là, que je m'offre, là, pour mon anniversaire, là, que j'ai fêté hier, là. C'était une belle année. On était plusieurs, là. Il y avait moi, hein? Il faut que je vous relate. Vous étiez pas là. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de DVD. Il n'y a rien de sorti, là. Il y a juste ma parole. Ah, ma parole, il va encore sublimer sa chose. Non, quelle chose? J'ai jamais sublimé ma chose, moi. Je dis à toute créature, le côté miniature de ma chose prend vie sous ton regard incrédule. Laisse venir. Tu verras, même avec ça, tu iras jusqu'au septième ciel. Oh, hey, c'est un message. Là, là. C'est un message sublirénal. Alors, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Qu'est-ce qu'il voulait raconter, lui, là? Mais ma naissance a eu lieu le 2 juin 1979. Nous étions coincés entre Val-d'Or et Ville-et-Mort quand Caltor vint ma vie, donc la fin de la mort dans le ventre qui me tenait au chaud. Le sarcophage m'expulsa et je me retrouvas un jour ici devant ce micro pour vous dire allô, allô, la compagnie, allô, allô, allô. Tout est allô. Si on le sait, c'est le déluge au Québec. Oui, c'est le déluge. Ah, là, c'est depuis ce temps-là. Noé a rien inventé. Rénal l'a relativisé et relaté maintenant sous cette histoire, sous la houlette de son imaginaire. Et monsieur, il a la houlette. Ah, moi, j'ai la houlette qui houle. Plus elle houle, plus elle tourne, plus ça va. Alors les enfants, tout le monde ensemble, on fait la ronde là. Voyons donc, il nous prend pour des enfants. C'est un imaginaire totalement débridé. Oui, alors on fait une ronde. Ah, bon. Moi, je sais pas mes formes géométriques. Est-ce que c'est géométrique ou géographique? On prend pour Venise, l'Italie, Marseille. Ah, mon Dieu, Marcel Marceau. Est-il de Marseille, Marcel Marceau? Marcel Marceau, non, mais il est né, un jour, il a été dans un cerceau, Marcel Marceau. Et il a été très longtemps dans un cerceau, dans un berceau. Quand vous chantiez, doudou, je n'étais qu'un tout petit enfant, petit enfant, la liaison bonne, qui vous causait de nombreux désagréments quand vous voyez au soir voir pousser mes cheveux noirs, pousser tes cheveux noirs, c'est pousser tes cheveux, pousser mes cheveux blancs, blancs ou noirs, peu importe. C'est comme le piano, hein. Il y a plus de blanc que de noir. Pas pour moi, là, quand même. Je suis dans la jeunesse, dans la fin de la vingtaine. Ripompaine de la bedaine, ritontaine de le péteux. L'absurde avocat, comment ça? Ben oui, c'est une nouvelle, c'est un folklore québécois. Tu peux, t'as de la difficulté à saisir toute la subtilité de cette émission-là. Subtilité? Ah! Vous avez dit subtilité. Oui, oui, j'ai dit subtilité. Ah, ah, on n'a pas la même vision de la subtilité. Ben non, mais arrête de le dire, là. Oui, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Il est très fâché, le monsieur. Oui, il est fâché et il mâche ses mots. Il tient sa prothèse avec sa langue pour ne pas qu'elle le fléchisse. Nous marcherons... T'as oublié de mettre de la colle? J'ai oublié de mettre de la colle. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Peu importe, on va finir pas de prothèse, puis que Dieu me prothèse. Ouais. OK. Oh, je chanterai la chanson d'Édith Piaf qui, un jour, popularisa la prothèse dentaire. Je me fous de monde entier. Alors donc, nous marcherons ensemble. Pas c'est pas possible. Tu détruis des carrières. Oui, merci, avec grand plaisir. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité, mais on m'a limité à 120 minutes et pas une goutte de plus. On m'a dit, on te coupe, mon gars. On te coupe, on te coupe, on te coupe. Fais 2 heures, c'est déjà trop. Tu fais pitié, on te laisse une marge de manœuvre parce que tu fais pitié. On aime ça, nous autres, au Québec, la pitié. Si tu pourrais ramper puis saigner un peu, là, ça nous donnerait encore un peu plus d'humanité envers la dépouille qui te compose. Ah, mon Dieu, vous me croyez? Ah, vous êtes dépouillé de toute intelligence. Ah, ça, c'est vrai. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. On entend des petits claquements. Avez-vous froid? Non, je vous l'ai dit, j'ai oublié de mettre la colle. Gilles la prothèse qui colle, je ne sais plus pourquoi. Non, elle décolle. Gilles la prothèse qui décolle, je sais très bien pourquoi. Qui télécharge mes émissions, la Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ces états? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à errance rénaldienne. Il est fini de dire tout... T'en dis bien des affaires pour cette émission-là. Ben oui, mais il faut annoncer, annonçons la belle enfant, annonçons les fiançailles, annonçons tous les oiseaux, annonçons tous les rameaux. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je suis en train de chanter, moi, là. Laissez-moi chanter, comme disait l'autre. Laissez-moi encore blander. Laissez-moi encore m'exprimer. 2 heures et plus à travers l'errance. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, Rénal Gagné. C'est la dernière, je vous le promets. Bienvenue. Ah oui, l'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs et visuels. Et aujourd'hui, c'est la dernière de monsieur Jean-Claude Dreyfus. Alors donc, nous allons prendre quelques secondes pour se souvenir de cette... Mais il n'est pas décédé, là, mais c'est pour moi, c'est une mort en tant que telle, parce que nous le réentendrons si je veux bien, si je veux bien. Mais pour quelque temps, on va laisser la place à d'autres, mais c'est le temps de se la boucher. Non, c'est à boucler. Oh oui, on va se la boucler avec ça. Hey, c'est un petit cadeau encore que je me fais, là. Hmm. Oh! On la connaît! Oui, mais pas avec cette version-là. OK. On l'écoute. Ferme ta bouche. OK. Ouvre-la, toi, le chanteur. Ouvre-la. J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoulé au flipper, le type est entré dans le bar. A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi. Il m'a regardé comme ça. Tiens les bottes, mon pote, elle me botte. Félix et les sentiers, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'ai dit laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole. M'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, à couler au comptoir. Le type est entré dans le bar, a commandé un café noir. Puis il m'a tapé sur l'épaule, il m'a regardé d'un air drôle. Tire un blouson, mettons les porbidons. Moi je m'allégeais sur mon scooter, avec ça je serais un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel. Et je te chouraverai ton blouson, moi j'y dis laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'y ai filé un marron. M'a filé une châtaigne, j'lui ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type est surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tiens le même bougie, qu'à j'aime vide. T'arrêtes ta frime. Pareil que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grand coup de ceinturon, moi j'ai lu laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir d'imagination pour trouver une chute rigolote. Si vous trouvez que cette histoire est un peu dans l'armoire, je vous dirai que si je la vends, je vous donnerai de la garnotte avec nous devant les verres, à vous outer en milliard, oui c'est haut et c'est nerf, à vous tout tomber c'est nerf, régulez c'est nerf, ou les minnaouais, à zinna minnaouais, à zinna minnaouais. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien de chanter, madame. I witness it, building. I witness it, BS. I witness it, BS. Moi, te couper ton BS. Arrêtez de strident. Quand tu dis pas de strident, moi, te casser tes trois petites dents. Moi, la maintenant, tu t'étends. Si tu m'en touches pas, laissez ton dedans. Quand tu dis pas de strident, si je te donne ta langue. Ah oui, je donne le vin. Moi, des petits coups de langue. Si je te donne ma langue, donne les doux chauds. Ah oui, ne me donne c'est bon, hein? Oh, là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors là, c'est ici, l'antre est ici. Faudrait que je mette mes... C'est ça le problème, je me procure des CD réinscriptibles, mais je crache dessus, je leur mène la vie dure, puis après ça, je me dis, hey, ça veut plus écrire. Ben non, ça demande des soins, ça. C'est comme l'être cher. Tu dois lui faire attention. Sinon, hein? Elle ne revient plus, elle te laisse et tu es perdu. Fais comme l'oiseau. Alors le titre. Non, on dit tout, mais on dit pas le titre, mon amour. Non, on dit la première phrase. OK, mon wow. Ah non, il va recommencer. Ah oui, ça première phrase. Louis, oui, je t'entends, je suis tout oui. Oui, Louis, tu es tout oui, je suis tout oui, Louis. Qui, Louis? Louis, vous? Louis, moi? Oui, Louis. Louis n'est pas alloué. Non, Louis est acheté de sang. Oh mon Dieu, un crime est commis, mais non. Mais non! Calme-toi! Louis n'est pas acheté de ça! Louis est à acheter! On va pas te vendre, là! On va pas t'acheter! On va rien savoir de toi, mon Louis! Ah, mon dos! Que Louis, prends-en pitié, ma misère! Non, c'est pas Louis, Louis! Louis, alors, sous Louis, la terre se démoralisa. Non, Louis, tu veux-tu le dire? Prends ton temps, toi, là. Respire par le museau. Fais comme l'oiseau. Ben ouais, mais l'oiseau a pas de museau, l'oiseau a un bec. Ah, attendez, en haut du bec, c'est pas un museau, ça? Non, c'est un petit nez d'oiseau. Oh, un petit nez d'oiseau que l'on appelle un... On appelle ça un petit nez d'oiseau? Ben oui, mais le petit nez d'oiseau, c'est quel est son nom? Quel est son nom? Son nom, mais on peut l'appeler mon mignon petit nez, mon mignon petit lardon. Mais non, le nez, c'est un nez nufard. Non, nez, en dernier, nez. N'es-tu savoir ce que ça veut dire? Moi, là, Louis était au Red Packer Peter Pan. Je sais pas si c'était. Oh! Oui, pourquoi j'ai pas mis de colle? Oui, ben parce que t'as oublié, t'as juste une tête et deux lunettes. Ah, ok, c'est vrai. Louis était au Red Pack Park et il avait la gueule de bois. La gueule à mauvaise tête, à la trottinette fuit sous moi. Lorsque j'étais Louis, comment ça t'étais Louis? J'étais tout oui devant Louis et je lui ai dit, hein? Là, c'est bien beau d'être au Rat Park, mon Louis, là. Puis avoir une gueule, pas plus... C'était pas une gueule de bois, c'était une gueule en béton, le gaz béton. Comment ça, tu t'es agrandi? L'image, agrandi l'image. Ben ouais, on est à radio. Ben oui, mais l'image, les gens qui nous regardent, là. On n'est pas juste à radio, on est partout sur la planète. Le visuel sonore, écarte-toi de tous ces sujets-là. T'es malade, parce que ça, c'est sonore, là. On t'entend, mais on te voit pas. Ben, on te voit pas parce que, ouvre-toi, Kubrick a fait un film pour toi, mon évangéliste. C'est les yeux grands fermés. T'es un œil fermé. T'es un cyclope pas ouvert à l'infini. T'es quelqu'un qui n'ira pas très loin dans la vie, mais tant mieux parce que... Excuse-moi. Je sens comme un cheval. Parce que même si t'es ouvert, même si t'es brillant, même si t'es le plus crétin des crétins, même si... T'as la science infuse des ondes sinistrées, même si t'es quelqu'un de tellement jovial ou un tueur en série, ça finit de la même façon. Ça finit de la même façon. Il n'y a pas de pitié pour l'être vivant. Il n'y a pas de pitié pour l'être vivant. Pendant toute ta vie, tu peux avoir arnaqué. Tu peux avoir pris le dessus sur le monde en te disant « Moi, je suis un supérieur, moi, là. » Tu peux t'être senti en haut de la hiérarchie, mais quand tu es à quelques secondes de fléchir, t'es rien, t'es devant un tremplin, puis t'es un rien du tout. T'es un rien du tout. C'est ça, la vie. Se croire, comme disait Brel, se croire mèche, mais fondamentalement, n'être que suif. Suif, suif, suif, suif. Au suivant! Au suivant! Hey, ici des affaires, moi, là, je crois que je vais m'arrêter. La Terre tourne. Oui, puis ta tête. Ma tête tourne pas. C'est normal, t'en as pas. Comment ça veut tourner? Ça peut pas tourner. Ça peut pas pivoter. Ça peut rien faire. C'est stagnant. C'est rester collé. c'est ce que j'ai oublié de placer, moi, en dessous de la... Hey, monsieur! J'aimerais bien ça que ça reste collé, moi, là. Mais ça peut pas. Alors donc, Louis était Red Polk et il avait la gueule de bois. Ben, c'est normal. Quand tu te places derrière une bière fontaine, là, en dessous d'une bière fontaine, puisque ça coule, là, c'est une fontaine, là. Mais c'est pas une fontaine d'eau, c'est une fontaine de bière, de bière, de bière, de bière, de bière, de bière, de bois. C'est qui déborde? C'est une fontaine qui déborde. Quand ça déborde, tu débordes aussi, là. Puis là, à un moment donné, ça, c'est du flou, c'est du flux, c'est de la broue, c'est plus grand-chose. T'es rendu moins que rien une flasque, un être vivant, mais qui tient juste parce que le cœur bat, il n'y a plus rien d'autre que le cœur, là. Il n'y a plus d'intelligence là-dessus. Tu dis « Bonjour, comment ça va? » Oui, vous restez où, monsieur? Votre nom? Avez-vous des cartes? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus rien. Il y a juste un, un son primal. Comme une laveuse. Il n'y a plus rien. Oui, monsieur. Le genre humain est rendu là. Le discours. Hey, ça ressemble. Moi, ça me. On dirait un politicien, hein? C'est en plein ça. Alors, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est « Oh, je t'aime, Albert ». Quand ils sont venus me voir chez moi, ça faisait 3 ans et c'était pas moi qui devais faire le boucher. C'était Jean Bouise. Okay. Jean Bouise, qui était un merveilleux acteur que je connaissais et qui malheureusement il nous a quittés, il est mort, donc avant de faire le film. Donc ils sont venus me voir et tout d'un coup c'est moi qui suis devenu le boucher et on devait commencer 2 semaines après notre rencontre. On a commencé encore 2 ans après. Et pendant ces 2 ans, moi je jouais beaucoup au théâtre, je jouais à Toulouse, dans tout le sud-ouest, un peu partout, et pendant un moment, la production devait faire le film en Yougoslavie, à Belgrade. Et bien évidemment, moi j'aurais pas pu faire le film. J'étais en tournée, j'étais dans le sud-ouest et tout. Donc, heureusement pour moi, et c'est de la chance, je dis à vos auditeurs, j'ai des toutes petites dents de bébé, les dents écartées, ouais. J'ai les dents de la chance. Et le film s'est fait 2 ans après, ça veut dire 5 ans. Il a mis à faire ce film. Il s'est fait à l'église de Pantin, dans les anciens entrepôts de la CEITA. Et moi, je répétais une pièce à ce moment-là à Paris, à la Colline, avec Georges Lavelli, la Nonna. Et donc, j'ai pu faire le film. Voilà, c'est beaucoup de chance. Ça aurait pu me passer à côté, hein, et ça aurait été dommage, c'est vrai. Mais que voulez-vous ? Alors, les films que vous avez eu sous la main, les deux films sont reportés. Donc, si éventuellement vous êtes... Et puis d'autres films qui sont en train d'essayer de trouver l'argent, de se monter, de trouver le moyen de se faire. Alors, des projets, j'en ai, mais qu'est-ce qui se fera ? Grand point d'interrogation. Mais aimeriez-vous qu'un auteur travaille sur votre entité pour bâtir une pièce de théâtre ? Oui, mais je pense que ça se fait. Il y a des gens qui y pensent. Il y a des gens qui écrivent et qui doivent... je sais qu'il y a des auteurs qui pensent à moi dans leur écriture. Hein. J'ai reçu un mail il y a 2 jours là, d'un auteur qui veut m'envoyer une... Et donc, ils pensent à moi. Donc, je ne sais pas s'ils ont pensé à moi au moment de l'écriture, parce que les auteurs, peut-être, ne pensent pas toujours. Et ils ne fonctionnent pas toujours comme ça non plus. Et ils pensent à moi pendant ou après, en disant, tiens, peut-être c'est lui qui pourra faire l'affaire. Mais bien sûr, moi je suis très, même si j'ai joué pas mal de théâtre, de Rostand, Molière, Victor Hugo, Claudel et d'autres grands auteurs classiques, je suis plus pour les auteurs contemporains. C'est d'où mes deux pièces prochaines que je vais jouer, qui sont des auteurs contemporains et vivants. Oui, mais c'est quand même encore extraordinaire. Chinatown, way back in old Hong Kong, to get some egg foo young, and then I heard a gong. Well, a ling ting tong tried to sing that song, well, high smoke and boom by a high smoke and boom, ling ting tong, he would never do wrong. Go on and sing your song. Oh, oh, oh, ling, ting, tong. And now a ling, ting, tong with a bing, bang, bong. And a high smoke and boom, bye, high smoke and boom. Kaboom-ba-ye, ha-sa-mo-kaboom, bling-king-kong, he would never do wrong. Quand ils sont venus me voir chez moi, ça faisait 3 ans et c'était pas moi qui devais faire le boucher, c'était Jean Bouise. Okay. Qui peut dire exactement qu'il sait ce qu'est la rage, un murmure, un frôlement où la tempête et l'orage, juste savoir dire non à la paix des sirènes, ou rugir comme le lion qui pénètre dans l'arène, chercher au-delà du mal et bien avant la morale, se réveiller soldat une armée de forçats. Je sais qu'elle existe. trapped in a cage. It still flows in my blood. Call it life, call it rage. Evil aping God. Even wrapped with courage, I still play the hostage. I'm standing on the edge. Call it life, call it rage. Aujourd'hui, dans le château symbolique de la francophonie, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Oui, mais normalement, tu lis pas un long texte. Oui, je sais, mais les gens la connaissent, la nomenclature. Là. Cette semaine et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Ah, tu l'as dit au complet? Ben oui, mais vous me l'avez demandé. Moi, je ne suis qu'un missionnaire. Oh! Le missionnaire. Alors donc, le mot que nous allons classer sans doute, nous allons classer sans doute, mais on ne sait pas si c'est dans la hiérarchie du royaume symbolique de la francophonie, au contraire, dans les méandres de l'oubli. Oh mon Dieu, ça passe ici. Ça passe ou ça casse? Ça, oui, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas d'eau ici, j'ai le goût de... Ouais, mais là, c'est pas la place. Ben voyons, c'est pas la place, là. J'ai le goût de boire un bon verre d'eau. Ben ouais, mais il faut passer à une pause musicale. Hein? Non, on va la faire sans verre d'eau. Là. En plus, pas de colle, puis ça va bien. On s'arrête-tu quelques secondes, là, 1:48? Non, on y va. OK, on y va. Surface, le mot surface. Puis on s'arrête ici, là, quelques secondes. Je vais prendre une gorgée. Ah, ben, ça s'est jamais fait. Mais non, ça se voit jamais. Ça va se cacher. On se cache. OK, on y va, on se cache. C'est de l'eau de source. Oh, mon Dieu. Merci. C'est de l'eau du robinet, parce que je n'achète jamais d'eau de source. C'est de l'eau de la rivière Saint-Charles, cuvée 2011. C'est la meilleure récolte C'est clair, Jean-Marc, c'est clair. Oh mon Dieu, c'est clair que c'est clair. Mais tu trouves aussi, hein? Je trouve également. Bon, là, les gens nous ont vus à la TV. Ben non, ça a été censuré. Pourquoi? On doit pas faire de marque. Ben oui, mais on fait aucune marque. Excusez-moi là, si j'accroche le micro, mais on fait aucune marque. On dit au public que c'est de l'eau de la rivière Saint-Charles. Est-ce que c'est quelque chose, la rivière? Ben là, tu viens de nommer ta source. Ben oui, mais une source d'eau, c'est l'endroit de... Ben non, ça vient du fleuve. Ben j'ai bu de l'eau du fleuve. Bon! C'est pour ça que je me sens un peu étrange. Ben oui, mais c'est le chlore, c'est chlore. C'est clair que c'est chlore. Bon, la surface de l'eau, c'est ça qui est important. Est-elle traitée ou maltraitée? J'ai demandé à Jacqueline hier au soir, là, le 2 juin, je dis, est-ce que Rénal est traité ou maltraité sur sa surface? Mais là, elle a dit, mais hey, attends un petit peu, toi, mon petit jambon. Oui. Le Rénal, là, il y a plusieurs surfaces. Oh, il y a plusieurs faces. Oui, plusieurs faces et plusieurs surfaces. Moi, j'analyserais peut-être sa première, son premier plan. Oh! Alors, sa surface devant le public. Oh, OK. Alors, donc, c'est celle qui annonce le personnage. Ben, voilà, c'est la première idée qu'on se fait de la chose. De la chose. Ben, de Rénal. Ah, oh, c'est une chose. C'est une chose. Ah, oh, c'est une... Oh, oui, c'est une chose visqueuse. Visqueuse. Ah, oh, oui. Ça se lave souvent, ça, là. C'est glissant. Oh, parce que c'est trop propre. C'est très propre. Ah, c'est très, très propre. Ça sortit l'hiver, mais ça se lave 3 fois par jour. Oh, au lever, au coucher, puis entre les deux. Le repas du milieu. Ben, du milieu, là, si je dois te dire le milieu, quel est le milieu? C'est ce milieu-là, c'est pas l'autre milieu, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est le milieu, voyons, non, c'est une surface centrifuge. Oh, OK. Alors, il est comme ça, hein, puis donc, il se sent comme... Alors, on sent lorsque l'animateur, l'improvisateur dit, alors donc, on sent le type qui rame, hein? J'espère que vous aussi, il y a bien des vous. Oui, vous arrivez, vous compte. Ben oui, il y a des comptes. On va rendre des comptes ce soir. Ben voyons. Premièrement, non, arrête de dire. Non, on voulait pas le dire. OK. Alors, quel compte il faut vous rendre? Ben là, à 1h03 du matin, on aurait un compte pas payé, non payé. Oh mon dos, on n'aime pas ça. Oh non, un compte arriéré. Oh, ben si on aime ça, arriéré. On a un arriéré ici. Oh, hey, c'est le comte, c'est le vicomte du comte. Oui, monsieur. Alors, Mais qu'est-ce que tu fais, là? Ben, on essaye de trouver quelle est la surface qui rejoint les deux poteaux. Les poteaux, là, on sait que à droite, il y a un poteau, à gauche, il y a un poteau. Et entre ça, il y a la surface. Oh! Et comme au théâtre, non, au cinéma, pas au théâtre, au cinéma. Au cinéma, il y a la surface écranique. Oh! Sur lequel? L'écran. Surface écranique, écran. OK, on va pas compliquer, on va rendre ça simple. Là. On a un public quand même assez simplifié. Ben, à cette heure-ci, là. On n'a pas les intellectuels qu'on mérite, là. On a des individus qui rament, là. À 1h04, on rame, là. On essaie de monter le courant, puis là, on n'est même pas au courant si le courant va nous amener ou si on va se rendre jusqu'au bout. Puis là, on rame, on n'arrête pas, puis les bras nous vont, puis ils vont ensemble. Là. J'espère qu'ils vont ensemble. S'ils suivent pas, ben on va tout croche. Puis là, tout croche, là, c'est la devise du Québec, je suis tout croche. Ça zigzague à gauche, à droite, ça n'a pas d'idée, ça n'a pas de référence, ça n'a rien, ça n'a pas de connaissance, c'est ta culture. Ça connaît rien, ça veut rien savoir, puis c'est ça, c'est tout croche. Là, ça monte tout croche, ça va tout croche, hein, puis ça se marie tout croche, ça se divorce tout croche, ça fait des enfants tout croche, qui donne des enfants tout croche, qui bat l'autre, qui tue l'autre, puis là, c'est comme... C'est pas juste au Québec, c'est la société tout croche. Puis là, quand on dit croche le voisin dans le fond de la sympathique, c'est comme ça que ça finit. Ah ben voyons donc, la sympathique, c'est nous... Tell me about your 18. You never get your free when you're sparking pots. Just like êtes un acteur très jeune. Croyez-vous un jour... Enfin, plus si jeune non plus. Écoutez, on parlerait aux spectateurs. Non, mais écoutez, c'est une question de point de vue. Hein, c'est une question de point de vue. Croyez-vous à la retraite, au contraire? Non, mais moi, je n'ai pas. C'est une question très triste parce que, bon, on est en plein dans l'histoire de la retraite en ce moment, mais la retraite pour les comédiens, on aura besoin de vieux. De toute façon, je vais continuer à travailler. C'est pas l'argent que je vais gagner avec la retraite, moi, qui va pouvoir me faire vivre. Donc je vais être obligé de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Hein, peut-être mourir sur scène, ou à côté, comme notre ami Laurent Terzièf qui vient de nous quitter. Je veux dire, bon. Et puis, je trouve très triste que les jeunes comédiens... J'ai eu une conversation il y a quelques jours avec un petit groupe de jeunes acteurs et actrices dans un court-métrage dans lequel j'étais. C'est trop triste, ils pensent à la retraite. Mais je veux dire, comment on peut penser à la retraite quand on a 20 ans? Je veux dire, je sais que c'est maintenant, c'est à cet âge-là qu'il faut y penser, au début de sa vie, pour pouvoir avoir les points qu'il faut. Néanmoins, je veux dire, on n'est pas obligé d'en parler. Et on peut faire les choses qu'il faut pour avoir tout ce qu'il faut pour avoir une retraite un peu plus raisonnable, ce qui va être de plus en plus difficile. Mais quand on vous dit aujourd'hui la retraite, même si, vous savez, quand vous êtes au théâtre, je ne sais pas combien, quand vous avez une paire de chaussures, vous la gardez combien de temps? Combien de temps vous la gardez, votre paire de chaussures? Ça dépend si je l'utilise à tous les jours. Bon, par exemple, une paire de chaussures, vous la gardez bien un an? Oui, à peu près. Alors, une paire de chaussures sur un plateau que vous mettez, vous ne marchez pas dans la rue, vous marchez sur de la moquette ou du bois, elle vous dure 3 mois. Elle s'use beaucoup plus vite que dans la vie. Okay. Ça veut dire que, sans parler de pénibilité, comme on parle tout le temps, on ne fait pas un métier, on n'est pas au fourneau, hein. On n'est pas dans un métier qui paraît difficile parce que ça doit paraître et avec l'aisance, mais on fait un métier qui use, et que, bon, on ne va pas compter ça, nous. Donc, on verra bien. Mais moi, je sais que je vais travailler et qu'il me faut travailler. Je ne pourrai pas vivre avec le peu de retraite que j'aurai peut-être un jour, si je la demande d'abord, et puis, enfin, je n'y pense pas, franchement pas. ne vas jamais aux collections, tu préfères mettre tes sous à plat pour t'acheter une belle maison drapée par les Dior du gothique. Mais comme on va pas cul tout nu, et puis que d'abord moi je voudrais pas, tu te sapes chez le couturier de ton cru, qu'a des harnais démocratiques. Ça te va, cette robe de 10 sacs, tes cheveux en vrac, ce rien qui t'habille, ça te va. Tes souliers pointus, même s'ils sont fichus, ça flatte tes gambilles, ça te va. Ce sac en lézard qui fait le lézard sous ses airs plastiques, ça te va. Cet air sans façon dont t'as pris mon nom pour vivre de musique. Tu ne vas jamais chez Rubinstein, qu'à de la frimousse en comprimé, qui pour de plombe vous met en scène la gueule des dames pour la parade. Et quand tu sors chez les snobards et que je te demande si t'es paré, tu me dis avec ton air anard, moi j'ai le soleil sur la façade. Ça te va, cette gueule te diront, malgré ce que diront les contre-photographes. Ça te va, ce dos qui descend sous l'œil indécent des gars qui te gaffent. Ça te va, tes carreaux mouillés quand ils ont regardé la joie qui se défoule. Ça te va, tes mains toutes comme ça par ce je ne sais quoi qui fait les mères poules. Tu ne vas jamais aux collections, tu préfères coudre un peu de bonheur dans notre carré et faire ton rond loin des ballots et de leur système. T'es là jusqu'à la fin des temps à m'écrire le courrier du cœur, tu me lâches tout juste pour que j'aie le temps de faire une chanson et dire que je t'aime. Ça me va, ta prison dorée, ta bouche adorée en guise de serrure. Ça me va, tes plats mijotés tellement qu'on dirait manger de la luxure. Ça me va, ton air bien heureux qu'ont les amoureux qui restent fidèles. Ça me va qu'on puisse dire un jour, et quant à l'amour, il n'a aimé qu'elle. C'était Johnny Hallyday avec Ça te va. De la nouveauté, Hébergeon, à partir de maintenant. Hey, tu t'es pas comme... Oui, allô, ça va bien? Ça va très bien, et vous? mais merci, moi. Écoutez, c'est l'Errance Rénaldienne, nous sommes le 3 juin. Oui, oui. Ça, tout le monde le sait, là, ça nous va très bien. Merci, vous vous sentez? Je me sens, mais je sens que tu ne te sens plus. Comment ça, je me sens plus? Jean-Luc, est-ce qu'on peut retourner la cassette? Retourner la cassette? Premièrement, c'est pas Jean-Luc, c'est Maryse. Oh, on a changé de sexe! Non, on a changé de technicien. On l'a changé pour la sienne. Oh, la technicienne, le sien pour la sienne, oui. Alors donc, est-ce qu'on peut réentendre ce qu'on nous a dit? Et comment ça, on nous fait des signes comme ça, là? Ben, parce qu'on peut pas. Ça veut dire, on ne peut pas. Quand elle fait ça, là, c'est comme l'oiseau. Elle ne peut pas. Ben, je sais que tu peux pas t'envoler, ma belle, là. Tu pèses 110 livres. Ben, dis pas ça. Elle va encore maigrir. Elle va devenir, ensemble. Tu te mets dans le trouble, puis je me mets dans le trouble, puis on la met dans la trou, dans la trou. On la met dans le trou, elle. Parce que si elle arrête de manger, elle s'en va dans le fond, là. Arrête de dire qu'on la voit, on te voit très bien, toi, là, mais est-ce qu'on peut réentendre? On peut pas la réentendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, parce que tu as dit Johnny Hallyday. Oui. C'est pas Johnny Hallyday. Non. Non, c'est pas Johnny Hallyday. Oui, mais ça finit par « et ». Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas Hallyday. Et non, c'est Ré... Ah, c'est Rénal Gagné. Ben non, c'est Ré... Quoi, ré? Ben, ça finit par ré. OK, ré. Je sais pas. Non, c'est Léo Ferré. Oh, Léo Ferré. Oh! Bon, mais Johnny Hallyday, Léo Ferré, c'est la même chose. Oh, mon Dieu! Ah! Pardon, moi, là, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, je vous ai mis. Oh, non, mais non, mais non, mais non, mais ça n'a plus. OK. On s'excuse infiniment. Comment? On s'excuse pas, on fait attention. Tu dis pas Johnny Hallyday quand c'est Léo Ferré. Là, ça te va pas. Non, c'est vrai. Alors, hébergeons à partir. Mon, tout Seigneur. Hey! Hey! On se croirait à la radio d'État, là. Sans, on peut pas faire de tralala et de tricatata. De tricata, on peut pas en faire, là, hein? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Au rythme de mes fantaisies, j'aime bien faire éclater ma vie en rêve ou en réalité. Ce soir, ce n'est que la vérité. Et moi, vous le savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art. On n'a pas de septième art. Oh, c'est vrai. On n'a pas préparé de septième art. Oh, mon dos. On passe le septième art. Oh, Oscar Bellemare. Rien n'arrête l'errance rénaldienne. La preuve. Une autre nouveauté. Un nouvel atelier d'improvisation prendra forme dans quelques minutes. Nous placerons l'avant-scène sur l'avant-scène, devant l'avant-scène, derrière, devant, dessous. Hey, première, attends. Nous placerons l'avant-scène. OK, nous placerons devant la scène. OK, nous placerons de merci, hein, tu es. Ben, je suis le metteur en scène, alors c'est devant la scène. OK, le metteur en scène. Alors, nous placerons devant la scène un citoyen qui viendra nous raconter sa vie, son passé et quelques instantanés de son existence. Plaçons sur les projecteurs Sylvain Bouchard, qui est un boucher. Sylvain Bouchard, pendant toute sa vie, ce cher Bouchard ne voulait pas être boucher. Mais là, son père était boucher parce qu'il s'est dit lorsqu'il avait 20 ans en 1920. Hey, voyons là, Bouchard, Bouchard. Puis là, on disait, hey, Bouchard le boucher, Bouchard le boucher. Puis là, il pouvait faire, dans sa tête, là, il pouvait faire autre chose. Mais il était comme endoctriné par les enfants qui lui disaient, hey, Bouchard, t'es boucher, Bouchard, t'es boucher. Il est venu boucher, Bouchard. Boucher, boucher, il n'entendait plus rien. Puis là, on lui a rentré des aiguilles dans l'oreille. Comment? Des aiguilles. Des aiguilles. Tu connais pas ça, des aiguilles? Ben, pas vraiment, là. Moi, je suis pas un gynécologue. Mais non, des aiguilles. J'ai dit dans l'oreille. Oh oui. Mais je suis pas un connaisseur médicamenteux. Alors, si on le sait que t'es pas médicamenteux, t'es. On le dira pas. Ça te va. Mais oui, mais c'est ça. Alors, on lui a planté ça dans les oreilles. Puis on l'a dit, hey, monsieur Boucher, Sylvain, tu nous entends? Oui. Oh, j'entends, j'entends pas très bien, c'est Boucher. Ben, Boucher, Bouchard, Boucher, Bouchard. À un moment donné, ça a rentré dans ses veines, puis dans ses racines, puis il est devenu boucher. Il coupait des animaux, ça veut pas pourquoi. Il y avait un chat. Il a coupé ça en série. L'étrangleur de Boston à côté de ça, c'est rien. Sylvain Bouchard, le boucher de chat. Et quand son téléphone sonnait pas, lui, ça faisait on lui disait allô, on entendait des bruits, des bruits bizarres. Les gens raccrochaient, ça avait peur. Ça osait même pas rentrer chez Sylvain Bouchard. Pourquoi? Parce que Sylvain avait déjà un profil de louche. Son regard était louche, sa bouche était louche, son visage était louche, ses cheveux étaient louches, sa démarche était louche, son habillement était louche. Et toute sa structure intellectuelle était louche. Hey, il aurait pu faire une émission de radio, mais il en a fait une aussi. Ça s'appelait Lucien Bouchard. Oh, oh, il est devenu politicien. Non, non. Ah, non, non, non, c'est pas lui, c'est un autre Lucien Bouchard. Oh, Lucien Bouchard, parce qu'il voulait pas se faire reconnaître par Sylvain, parce qu'il bouchait, il bûchait les bouchers, lui. Il bûchait même les choses, je voulais dire, puis les bouchers, il bûchait. Il a tué combien de bouchers, le Sylvain? Ah, oh, mon Dieu. Je sais pas, mais c'est pas un prédicateur. Non, c'est un avocat. Son avocat s'appelle pas Sylvain Derry, oui. Il était sur cette affaire-là, Sylvain Derry. Grosse, grosse promotion pour M. Derry, parce qu'il était connu dans le milieu sportif, mais là, Sylvain Bouchard, le tueur de boucher, puis monsieur. Puis là, quand j'y ai dit, il y a quelques mois, que j'allais rencontrer Monsieur Dreyfus. Il a dit, ah non, hein, Paul Dreyfus, le Dreyfus de Délicatessen, le Dreyfus, le boucher. Boucher, j'ai rentré chez le boucher, puis le boucher m'a dit, hey, Dreyfus, on peut-tu rentrer deux à deux dans un boucher? Il a dit, hey, moi, colis, on va te mettre dans le boucher, toi. Hey, faites-moi pas boucher, mais boucher. Puis là, on va te boucher, toi. Hey, on l'a bouché. Puis Sylvain Boucher, il est devenu complètement malentendant, puis totalement disproportionné de son état mental à travers tous les autres cohabitateurs de son existence. Hein? Cohabitateurs. Oui, cohabitateurs, les gens qui cohabitent. Mais c'est pas des cohabitateurs, là. C'est des citoyens, c'est des logeurs, c'est des... Ben, il y a donc, c'est des gens qui c'est ça, qui cohabitent. Alors, on peut dire des colocataires. Colocataires. Sylvain Bouchard, colocataire, c'est pas ça. C'est Sylvain Bouchard. Rouin. Qui tuait des gens, puis que... T'es un cinglé. Non, mais il faut dire les vraies affaires. Mais il n'y en a pas de vraies affaires. C'est dans ta tête. Il n'y en a pas de tête. Il n'y a plus rien. Comme un avion sans ailes. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Et même si je peux pas m'envoler, j'irai jusqu'au bout. Ah oui, je veux jouer. Même sans les atouts, tu fais semblant. Je te fais peur. Et pourtant, tu sais, je tiens plus debout, aussi crevé qu'un danseur. Oh, oh, oh, il fait lourd. Et grande nuit blanche. Et grande nuit d'orage. Mais y a pas d'éclair. Écoute. de demander de la retraite, je préférerais payer moins d'impôts. C'est déjà. Oui. Mais là, ouais, c'est un peu votre ville aussi, Paris, depuis le temps que vous payez des impôts. Non, mais on paye une foule d'impôts. Moi, le bouclier fiscal, pour moi, je ne suis pas riche, donc ça n'a pas de. Je suis dans une. Nous, on gagne de l'argent de temps en temps, et puis on ne travaille plus pendant un moment, et donc on vit sur l'acquis. Donc on est en dents de scie en permanence toute ma vie. J'aime bien. Ça n'est pas une chose que je l'assume. Oui. Je l'assume, mais c'est vrai que parfois, il vaut mieux aussi ne pas travailler que de faire une connerie ou de faire quelque chose qui va me desservir. Ouais. Donc on est quand même très marginaux. Donc on n'est pas dans le contexte d'une retraite de gens qui travaillent 50 ans de leur vie et qui vont souffrir en plus parce qu'on va leur dire maintenant vous allez travailler 2 ans de plus. Alors donc pour vous il n'y aura pas de retraite. Parce que vous arrêtez, c'est aussi arrêter d'explorer des auteurs, arrêter de. Oui, puis de travailler, mis à part quand même de vivre et de gagner quand même un peu d'argent, de travailler. Au revoir mesdames. De gagner un peu d'argent, c'est aussi le moteur de faire des choses qui va nous tenir un peu plus longtemps. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent très bien gérer leur retraite. Quand ils ont travaillé 40 ou 45 ans de leur vie, ils s'intéressent à autre chose, ils aident les autres, etc. Mais je suis plus pour une espèce de que les gens aient une retraite convenable et qu'ils puissent servir à quelque chose plutôt que de faire travailler dans des métiers conventionnels, de faire travailler les seniors qui va prendre du boulot aux plus jeunes. Et la condition humaine en 2010, la croyez-vous plus difficile que dans les années 50-60? Difficile? Oui. C'est un petit mot. Ça n'est même pas comparable. Dans les années 50, 60, soit 50, bon, j'étais trop jeune, mais 50, 70, 80, jusqu'aux années 90, on pouvait vivre très bien dans l'insouciance et ne pas penser tout le temps uniquement au fric et de savoir comment on a payé bouffer et payé son loyer, qui aujourd'hui n'est plus du même domaine. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle est belle, hein, Philippe. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, Philippe. C'est la ouate qu'elle préfère. On se la tape à Philippe. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. De toutes les manières, de toutes les manières. C'est la ouate qu'elle préfère. Elle préfère la ouate. Passive, elle est pensive, oh, elle pense, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère. Pensive, elle est passive, en négligé de soi. C'est la ouate. Elle déchire les pages de tous les dictionnaires. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Merde. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, Elle se laisse faire comme presque de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère, Philippe. Passive, elle est passive en négligée de soi. On se la tape de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère. Pensive, elle est pensive en négligée de soi. C'est la ouate de toutes les manières. C'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate passive, elle est pensive. C'est la ouate en négligée de soi. C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate. Hey, Philippe, c'est la ouate. On se la fait. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Elle me dit, ton plaisir est la loi, si tu me fais le mien. Elle croyait en moi qui croyez en rien. Ils ont mis des douanes sur le chemin du dépotoir. Va falloir qu'on se dépanne pour manger à soir. Vienne la nuit, une étoile c'est gratuit. On vendait nos os sur la route d'Oméga. Au son des oiseaux et des bottes de soldats. On cherchait le bonheur comme des chiens mexicains. Je remercie le Seigneur, boum boum m'aimait bien. Vienne la nuit, boum boum c'est tout cuit. Reste auprès de moi cette nuit. En moi, boum, il ne fera plus jamais beau. Comment fais-tu, boum, boum, pour amener un ange perdu au large et voguant sur ses larmes? Elle me tendit ses petits seins beaux comme des bouées. Bienvenue dans ma baie. violent. Sous la voiture de Marie-Roux, Jeffrey prend pour trois jours. Marie-Roux a pris mon bras. J'ai dans la voiture à le nerf d'un peuple en combat, le zéro du même affaire. Elle dit parler un peu plâtre. Mon Dieu, à la poêle de Rousseau, à frère d'un qui me donne une drôle. Tiens, de l'offrir une grande chassière, membre du Roudron Marley, qui me tourne comme un bambac. thank you. Vous étiez devant l'errance rénaldienne pendant presque 2 heures. Mais non, c'est 2 heures pile! Pas une minute de plus, pas une seconde de plus. Nous devons laisser la place à mon ami Monsieur Marco, l'ordinateurissime, qui vous amènera vers d'autres horizons musicaux. D'autres horizons. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, mentalement, je le faisais rapidement pour savoir si est-ce que j'avais bien conjugué ce que j'avais amené comme propos. Non, pas du tout. Non, on te donne un 3.10. Ah, mon, de 3.10 sur 20. Voyons donc, c'est pas sur 10, hein, oui. Alors, si vous voulez... c'est comme tu veux, là. Endors-toi. Alors, si vous voulez m'écrire, c'est très simple. Très, très simple. Vous prenez un papier, un crayon. Vous pouvez m'écrire, vous écrivez Errance Rénaldienne, CKRL, 405 3e Avenue, Québec, Québec. Voilà, c'est tout. Et envoyez ça par la poste. Si vous voulez me répondre, pour me répondre, parce que moi, je peux me répondre tout seul, voilà. Comment ça va? Ah, ça va très bien, toi. Ah, moi, ça va pas très bien. J'ai la 3e nasale qui bouche depuis 3 semaines. Ben voyons donc! On t'avait dit, appelle le plombier. Oui, mais le plombier n'est pas là. Mais vous pouvez m'écrire sur Internet. Directement, sans passer par les naseaux. Quoique, les naseaux. OK, hey, on n'a pas le temps. OK, R-A-Y-N-A-L-D, ça c'est Rénal. Québec, Q-U-E-B-E-C, à commercial, hotmail.com. Sans accent aigu, dans un seul mot, bien enveloppé, Rénal de Québec, à commercial, hotmail.com. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Et puis, merci, hein. Vous êtes très tolérants. Très, très tolérant. On a dépassé, mais non. Ben. We'll be right back.